following chronicle, turning at the rerun. You're disappearing, my love, I need louder than this. Let's fill me up. Gulf tidings I bring to you and your sins. I forgive. Come to me, plug it in, so I can digest you. I will taste you. My appetite and the hope to be with it now. I will taste you. Mon amour, je ne te parle, mon amour. Dis-moi où t'es allé. Mon amour, je te sens pas, mon amour. Dis-moi ce que je fais. Pensez-toi, je vais t'avaler. I will chase you. Je te guis pas du tout, pour me guérir à nous. Sans te plus, sans plus faire, c'est si mon homme style, sans nous, mais on est bien. Tu m'effaces mon amour, tu te plus qu'une ombre, aurait vu en moi. C'est des bons mauvais, oublie tout peu c'est, je te pardonne. Viens vers moi, pensez-toi, est-ce que tu m'as I will chase you. Mon appétit de s'enfant, laisse-moi te tendre. Oh, my love.